Bonjour à tous et toutes. Je m'appelle Charlotte Florsheim, je suis en troisième année de doctorat d'anthropologie dans deux laboratoires, l'IDEAS à Aix-Marseille Université, qui est un laboratoire d'anthropologie, et le CESTIM à Marseille, qui est un laboratoire de santé publique. Mon projet de thèse traite de la lutte contre le VIH en Guyane, et cette thèse est intitulée « Entre assignation et autodéfinition, faire communauté dans la lutte contre le VIH en Guyane, mobilisation et expérience minoritaire ». Un titre de deux lignes, bien entendu. J'y reviendrai un peu plus tard. Mais pour résumer, j'ai pour objectif de dresser une histoire de la lutte contre le sida en Guyane, qui est une ancienne colonie française départementalisée. Je vous mettrai une carte dans ma deuxième partie d'intervention. Du coup, dans ce travail, j'analyse les évolutions des assignations ethno-raciales issues de la colonisation et les minorités de genre par le prisme des pratiques associatives et médicales de lutte contre le sida. Aujourd'hui, je vous propose de revenir sur des méthodologies mises en place pour écrire des histoires, recueillir des mémoires de la lutte contre le sida depuis des espaces et ou des identités qui ont été périphérisées. Comme le propose le titre de mon intervention, Marseille à Cayenne, décentrer le regard sur la lutte contre le sida, je vais essayer, à partir de deux recherches, une que j'ai menée et une que je mène actuellement, de montrer comment dresser des histoires du temps présent, certaines qui n'ont pas encore été écrites, recueillir la parole de personnes plus de 40 ans après la découverte du virus du sida, et de parler de personnes qui restent aujourd'hui dans l'action. Je m'appuie sur ma recherche en cours et sur deux publications, le livre Aide 1984-2004, les transformations d'une association contre le sida, qui est signé par le collectif Ethnoaide, dont je fais partie, et un chapitre de livre qui paraît bientôt aux éditions de l'ANRS, qui s'appelle L'éthique en action, pratique d'enquête, démarche réflexive et appartenance communautaire dans la recherche qualitative sur le VIH-sida. Pareil, un titre un peu long. Et le chapitre que je publie dans ce livre s'intitule « Faire résonner des expériences, enquêter dans le champ du VIH-Sida en se situant ». Ce livre paraît ce mois-ci, hein, et il a été financé, édité par la NRS, qui finance et publie régulièrement des études en sciences sociales sur le VIH-Sida. L'ANRS et SIDAction, dont on vous parle depuis hier, financent à la fois des associations et des études, des associations pour SIDAction, mais aussi de la science. Et ma thèse est financée par SIDAction et je les en remercie. Alors, que ce soit dans la recherche sur l'association Aide et dans mon travail de thèse en Guyane, je cherche à dresser une histoire de la lutte contre le sida par le bas. Cette histoire, je l'adresse en anthropologue, hein, je ne suis pas historienne. Du coup, d'un côté, je récolte les paroles de personnes qui, si ils et elles habitent dans des espaces centraux comme Marseille ou Paris, ne sont pas les personnages mis en avant par les récits parfois mythiques de la lutte contre le sida. Et de l'autre, j'essaye de retracer l'histoire de la lutte contre le sida en Guyane, qui est une région ultramarine, que peu de gens savent placer sur une carte, dont nos dirigeants. Hein. Macron s'y est référé comme une île il y a quelques années, alors que c'est un territoire continental en Amérique du Sud, dans la forêt amazonienne. Du coup, en Guyane, qui est un espace périphérisé, il y a eu beaucoup d'enquêtes sur le VIH, mais principalement épidémiologiques, de santé publique, qui ont été menées sur les 40 dernières années. Ces recherches se concentrent sur des populations dites clés du VIH et les modes de contamination. Dans mon travail, je me décentre d'une vision utilitariste et positiviste de ces recherches, en m'intéressant aux acteurs et actrices de cette lutte contre le sida et à la colonialité de la prise en soin. Comme le disait encore il y a peu la belle exposition du MUSEM sur le sida, dont on a parlé hier avec Renaud, où je vous invite à regarder le catalogue, hein, qui est vraiment très très beau, et avec plein d'acteurs scientifiques et profanes. Cette exposition était intitulée d'après un slogan d'Act Up Paris, « L'épidémie n'est pas finie ». Donc oui, l'épidémie n'est pas finie. Et en tant qu'ancienne militante, je m'attache à écrire sur le temps présent de l'épidémie VIH, afin de ne pas reléguer une épidémie qui perdure et qui reste mortelle dans les pays des Suds, mais aussi dans les Suds des Nords comme en Guyane. Un des principes de la méthodologie de recherche que je mets en place, c'est d'avoir une réflexion quant à ma position de recherche. Comme tout le monde, je produis des savoirs qui sont situés. Et je m'inscris dans une des particularités du champ de la recherche sur le sida, où la question de l'engagement et la ligne entre savoir académique et savoir profane peut se franchir. C'est un des espaces où on peut avoir différentes positions. Lutter ou étudier le VIH nous donne d'abord une connaissance concrète de cette épidémie, de son histoire, de ses modes de transmission et des données épidémiologiques. dans les espaces où le VIH est moins connu, je me permets de redonner des chiffres. Hein. Je ne les ai pas entendus hier, donc peut-être vous avez probablement lu des choses, mais je me dis que c'est toujours une bonne chose de rappeler c'est quoi cette épidémie. Le virus du VIH a été décrit en 1984. Et depuis le début de l'épidémie, environ 40 millions de personnes sont décédées du sida, qui est la phase provoquée par la vie avec le virus. Des traitements efficaces sont apparus à partir de 1996, ont connu des améliorations constantes qui font prévoir une fin du sida aux agences internationales telles que l'ONU SIDA. Et en effet, aujourd'hui, le virus chez une personne sous traitement devient indétectable. Il est encore présent dans le corps, dans ce qu'on appelle les réservoirs, mais on ne le voit plus dans le sang ni dans le sperme. Donc il devient intransmissible. Et c'est quelque chose de très important, cette question du TASP, notamment sur la discrimination. Aujourd'hui, les pays des Nord ne connaissent quasi plus de mortalité due au sida. Cependant, l'accès effectif à des traitements efficaces, mais également au système de santé en général, est très compliqué et coûteux dans de nombreux pays du monde, faisant mentir les modélisations positivistes. C'est en effet encore environ 630 000 personnes dans le monde qui sont décédées des suites du sida en 2022. Voilà, c'est également une maladie qui continue d'être très stigmatisée. L'apparition de cette maladie dans les années 80, dans une période de triomphe de la médecine moderne avec des avancées biomédicales majeures, a pris au dépourvu le monde scientifique et médical. Sa létalité importante, les groupes jeunes et vulnérabilisés qu'elle a touchés, ces modes de transmission en ont fait une maladie à part. Et une des particularités du VIH est la réponse mise en place par les personnes touchées elles-mêmes. On a vu ça aussi hier avec Renaud. Et la recherche médicale, les États ont mis du temps à réagir pour prendre en charge les malades, les personnes malades et la prévention. Et les patients se sont donc organisés pour réclamer leurs droits, se renseigner sur la maladie, pousser les États et les laboratoires à agir pour leur santé. Les sciences sociales, nombreuses à s'être impliquées dans les années les plus mortelles de l'épidémie, ont participé à l'écriture d'une histoire du VIH, à une écriture au présent. Ces travaux sont ensuite concentrés sur des pratiques, des controverses. Et aujourd'hui, plus de 40 ans après l'apparition du virus, de nouvelles initiatives émergent, comme ces journées, qui tentent de retracer une histoire plurielle de la lutte contre la maladie, alors qu'elle tend à devenir un objet patrimonial. Je vous renvoie vers l'initiative de Hacked Up Historical Archive, avec des entretiens filmés en accès libre des militants de ACT UP New York, dont Sarah Schumann a tiré un beau livre en anglais qui s'appelle « Let the Record Show ». Même si New York peut paraître comme un des espaces les plus centrales et médiatisés de la lutte contre le sida, ce travail montre la diversité d'une lutte menée par le bas et contredit des histoires qui voudraient que ce soit seulement une lutte portée par et pour des hommes gays blancs. New York comme Paris ont été des centres de la lutte contre le sida, mais ces projets montrent qu'on efface assez rapidement les contributions des femmes, des personnes non blanches, qui ont pourtant été centrales dans ces luttes. Donc la recherche sur le VIH se renouvelle aujourd'hui. Le positionnement sur le terrain se nourrit, notamment le mien, d'épistémologies qui peinent encore à rentrer dans les universités françaises, les épistémologies féministes du point de vue. Du coup, moi, je m'appuie notamment sur Donna Haraway, qui remet en question l'objectivité en tant que telle et qui plaide pour une multiplication des points de vue, des perspectives partielles déterminées par la position et la légitimité d'un observateur dans un espace social. Pour moi, l'intérêt scientifique que je porte au VIH et mon entrée sur le terrain et les relations d'enquête que je développe sont façonnées par une perspective à la fois féministe et qui s'intéresse aux espaces et aux personnes en marge. Cette position découle de mon parcours de vie, d'amitié et aussi d'engagement militant situé que je vais vous présenter rapidement. Ce qui fait le lien avec Saint-Étienne. Je vais revenir rapidement sur certaines caractéristiques sociales et engagements militants qui me façonnent. Comme vous le voyez, je suis une femme cisgenre, blanche, de plus de 40 ans. J'ai grandi ici à Saint-Étienne. Comme vous le savez, Saint-Étienne est une ancienne ville minière frappée par la désindustrialisation. Le chômage, les problèmes de santé, les difficultés financières ont largement touché ma famille, comme beaucoup d'autres gens dans cette ville. À la différence de nombre de jeunes chercheurs qui se construisent dans le champ académique, j'occupe une position plus complexe. Je suis arrivée à une pratique de recherche à presque 40 ans, après avoir eu une vie professionnelle et des pratiques militantes hors du champ académique. Je suis à la fois insider des mouvements sociaux et outsider de la recherche. Et j'ai choisi d'étudier des terrains proches. La question du VIH traverse mon parcours depuis plus de 20 ans. Je suis d'une génération qui a grandi pendant la crise sida, baignée par la peur, mais aussi dans un temps charnière qui a été pensé comme entre l'expérience de la mort et un futur possible, celle de l'apparition des premiers traitements à la fin de mon adolescence. Dans mon expérience militante stéphanoise, j'ai participé à la résurgence d'un mouvement féministe au début des années 2000, dans le squat Izmir, à l'ouverture du premier squat queer de France, à Saint-Étienne, oui, le queer, en 2001 ou 2002. À cette époque, nous sommes quelques-unes à avoir été formées par l'association FRIS. FRIS, ça veut dire Femmes, Réduction des risques et sexualité. C'est une association féministe de lutte contre le sida qui est basée à Lyon et qui développe des savoirs spécifiques sur les femmes, cisgenres et transgenres, dans une période, en ce début des années 2000, où l'épidémie se féminise et elle touche des personnes aussi plus pauvres. Cette association forme des femmes de tous horizons géographiques et professionnels, et maintenant elle forme tout type de personnes en dehors des questions de genre. Donc cette association est encore active et essentielle, elle forme encore des gens, je vous invite vraiment à vous y intéresser. Dans ces différents collectifs et espaces féministes, l'auto-formation, notamment avec des textes de sciences sociales qui tournent beaucoup, m'ont permis de me donner des clés de compréhension du monde et de me familiariser avec les sciences sociales. Dans cette fin de siècle, les mouvements queer radicaux naissants en France, la question du sida était quelque peu périphérisée. Hein, je vous parle seulement de choses empiriques, pas de choses écrites. Et même si la menace du virus était présente, les actions de prévention nombreuses que des personnes vivaient avec ce virus et avaient traversé des années compliquées, ces années de cendres étaient quelque part derrière nous et beaucoup ressentaient un besoin de passer à autre chose. Un peu, j'imagine, comme ce qu'on est en train de vivre post-Covid, où on parle plus du Covid alors que ça a quand même bouleversé nos vies et nos structures médicales et politiques. Donc je fais un bond une quinzaine d'années plus tard à Marseille, dans ma ville d'émigration. J'ai postulé à un poste d'animatrice de prévention dans l'association AIDE. C'était la première fois que j'ai mis des compétences militantes au service d'un travail salarié. Lors de ce poste, j'ai pu appréhender plus profondément le champ du VIH, apprendre l'histoire du virus et des luttes qui ont été menées, de prendre la mesure du poids du stigmate qui touche les personnes qui vivent avec ce virus encore aujourd'hui. Je rencontre des gens qui ont survécu au virus, des collègues qui ont traversé des périodes différentes de la lutte. La question de la séropositivité me devient familière. Au bas de la hiérarchie salariale, la plupart de mon temps est fléché vers la réalisation de tests rapides du VIH, hein, les TROD. Ces tests rapides sont effectués dans des quartiers paupérisés de ma ville. Le petit camion dans lequel nous proposons le test fait office d'accès à la santé et aux droits. C'est un espace au sein duquel il est possible de parler de problèmes de logement, de papiers, de violence. On ne parle jamais que de santé, mais aussi juste de boire un café. Faisant face à une forme de stagnation professionnelle dans le monde associatif, je décide de commencer des études supérieures de sciences humaines et sociales, d'abord en sociologie à Toulouse, puis à l'EHESS à Marseille, avec Sandrine Musso. Recrutée par une médecin infectiologue, je réalise une première recherche de master sur les personnes diagnostiquées tardivement du VIH à la frontière de la Guyane et du Brésil. Du coup, après cette première expérience sur un terrain éloigné, j'ai été recrutée pour mener une enquête collective sur AIDE, qui est l'association de lutte contre le VIH dans laquelle j'avais été employée. Donc l'objectif de cette recherche, hein, financée par la NRS, était de dresser une socio-histoire multisituée de cette association depuis l'arrivée des trithérapies à partir de trois espaces géographiques, Marseille, Paris et le nord de la France avec Amiens et Lille. Cette recherche a été menée en collectif avec Léo Manac, qui est anthropologue, Clément Soria, qui est politiste, et Gabriel Girard, sociologue chargé de recherche à l'INSERM, qui est aujourd'hui mon directeur de recherche. Nous avons mis en place une organisation horizontale, à égalité, malgré la différence de statut. Dans ce collectif, Gabriel et moi avions une expérience préalable d'engagement dans l'association à des places différentes, lui comme expert, moi en bas de l'échelle. Les deux autres chercheurs ne connaissaient pas l'association avant l'enquête, mais tous deux ont en commun des engagements militants et une connaissance du champ associatif. Et j'ai oublié de dire, ce projet de recherche a été coordonné et mis en place par Laetitia Atlani-Duo, mais qui n'a pas pris parti au terrain alors que les quatre autres, oui. La particularité et la diversité de nos positions ont donné lieu à un accès privilégié au terrain dans des espaces complémentaires et à une réflexivité nourrie par l'étonnement de chercheurs arrivant en terrain inconnu. En tant que collectif, nous avons mis en place un dispositif réflexif qui a favorisé le repérage et l'analyse des différentes postures occupées par chacun dans la recherche et dans le rapport au terrain. On a notamment organisé des réunions très régulières. Le collectif a permis de nous soutenir dans des moments difficiles, en lien avec l'enquête ou non. Cette organisation, basée sur des principes féministes de care politique, a participé au processus de distanciation. Dans les premières analyses, cette position a amené des éléments qui ont aidé à la triangulation, permettant de valider ou de réfuter des hypothèses à partir d'un savoir expérientiel de la structure étudiée. Les pratiques et idéaux politiques ont irrigué ce travail de recherche. Tout comme les compétences de médiation, ouvrir des portes à des collègues, traduire ou encore prendre soin. Je suis désolée de la différence de son selon... je vais essayer de me mettre plus près du micro. Lorsque j'ai été recrutée sur ce projet, mon profil de jeune chercheuse ayant une longue expérience dans le champ militant et dans celui du VIH, ainsi que ma connaissance intime du terrain, ont paru très adaptés à l'équipe et aux objectifs de la recherche. Les joies et déboires que j'avais expérimentés au sein de cette association étaient à la fois un frein et une motivation pour mon engagement dans cette aventure. C'était en tout cas une occasion de me replonger dans la complexité de cette organisation avec une position différente. L'accès au terrain, mon déplacement sur celui-ci ont été en partie influencés par mon parcours préalable. Tout au long de mon contrat, j'avais tissé des liens avec des individus au profil varié dans des espaces multiples lors de rencontres régionales et nationales qui sont fréquentes dans cette association. Ce sont des profils qui sont peu accessibles sinon, dans une association qui fait très attention à son image. Mon expérience au bas de l'échelle a été productrice de connaissances et de complicités qui ont été utiles à l'enquête. En dehors de l'utilisation de mon réseau, la question s'est posée de savoir comment je souhaitais me positionner sur un terrain très proche, et cela dès le début de l'enquête. Dans un premier temps, j'ai pensé qu'il serait préférable de ne pas m'impliquer directement à Marseille, ville où j'avais été salariée. Et ça a été vite réévalué. L'opportunité de réaliser des entretiens avec des personnes que j'appréciais et avec lesquelles j'avais pu travailler, mais très vite a paru passionnant. Cela a été l'occasion de comprendre plus en profondeur leurs histoires d'engagement. Les profils et expériences des personnes que j'ai recrutées s'éloignent des récits disponibles de l'histoire de la lutte contre le sida en France, notamment celle de Aide, souvent centrée sur Paris ou sur des figures de dirigeants, dirigeantes ou des personnes mises en avant, socialement situées. Ma volonté a été de valoriser le recueil d'autres matériaux permettant de construire une socio-histoire un peu par le bas de cette mobilisation, sans effacer la conflictualité forte au sein de cette association institutionnalisée. Il s'est agi de s'attarder à comprendre certaines trajectoires, parmi lesquelles celles de femmes, dont l'investissement a été limité par des tâches familiales, de valoriser des engagements peu reconnus, à l'image d'un homme algérien marseillais algérien d'une cinquantaine d'années, avec qui j'ai travaillé longtemps. Rachid, rentré comme agent d'entretien dans l'association en 1994, tient en effet une place centrale dans la mémoire vive locale et une place dont on ne peut s'apercevoir qu'en ayant passé beaucoup de temps dans cette association, ce qui avait été mon cas. Cette volonté de faire croiser les expériences et regards a présidé à l'enquête et à l'écriture du livre. Nous avons tenté de faire dialoguer des espaces physiques, sociaux et temporels divers d'une lutte actuelle contre le sida. Bien que notre étude se déroule dans les deux plus grandes villes de France, hein, Paris et Marseille, elle se déroulait aussi dans les Hauts-de-France, à Amiens notamment. Nous avons recueilli une centaine d'entretiens, consulté des archives et ethnographié 5 lieux. Du coup, dans ce livre, après un premier chapitre qui retrace l'histoire générale de l'association en lien avec les évolutions médicales et sociales de l'épidémie, hein, qui redresse un tableau un peu général, nous proposons un chapitre plus sensible qui s'appelle Ethnographie, sur l'histoire de Aide à Marseille à partir d'un entretien mobile à la recherche des lieux où Aide avait pris place. Et on s'y maîtrise les prises de parole dans ce chapitre. Et dans ce chapitre, on fait dialoguer des expériences de dirigeants et de personnes investies à des positions subalternes. Nous avons tenté de porter une attention aux petites mains, aux publics cibles, les personnes qui font tourner l'association sans beaucoup de reconnaissance, notamment des personnes non blanches, des personnes racisées, analyser des engagements, des expériences moins visibles. Dans le chapitre 4, notamment, nous questionnons la place des étrangers dans l'association et dans la mobilisation pour les droits des étrangers malades. Dans ce livre, vous trouverez aussi l'analyse de la démarche que l'association qualifie de communautaire, en lien avec la santé communautaire. Nous nous posons la question de qu'est-ce qui rassemble les personnes au sein de cette association, comment les gens définissent ce que c'est la démarche communautaire, et comment la structure essaye de produire du sens et du commun avec des personnes souvent issues d'horizons très différents. La lutte contre le VIH a été particularisée, hein, pour de nombreuses raisons, mais 40 ans après la naissance de Aide, nous essayons de réintégrer l'association dans des dynamiques associatives françaises plus larges. Un secteur qui, vous le savez, supplée de plus en plus à un État libéralisé dans de nombreux domaines. Et voilà, un secteur associatif avec des salariés souvent précarisés. Et à l'image du champ de la sociologie des associations, nous montrons les enchantements que provoque un travail salarié qui fait sens pour les personnes qui s'engagent comme salariés dans cette association. Et, du coup, c'est des personnes qui, d'un coup, peuvent exercer un métier avec des valeurs et une implication militante de la lutte contre le sida. Et ensuite, nous traitons aussi les désenchantements, hein, que produit cet enchantement au début et puis un management libéral avec une organisation hiérarchique assez descendante. L'enchantement des débuts est souvent suivi par des déceptions qui sont difficiles à vivre. Nous rendons compte des conflictualités dans cette association autour des enjeux de professionnalisation et ce, entre engagement et travail salarié. Le livre finit sur une analyse de la réaction de Aide face au Covid et de voir comment on a pu voir une inaudibilité des acquis de la lutte contre le sida dans cette période de Covid et de manière plus interne de l'intégration de la biologisation de la réponse biologique contre la lutte contre les épidémies. Après, je vais vous présenter un peu mon travail en cours en Guyane. Je vous remontre une carte. Je vais parler de différentes communes, notamment Saint-Georges de l'Oyapock, qui est à côté du Brésil, puis Cayenne, la capitale de la Guyane, un peu de Kourou. J'ai fait du terrain à Saint-Laurent-du-Maroni, qui est frontalier avec le Suriname sur le long du fleuve Maroni, et à Maripasoula, qui se trouve au sud sur le fleuve. Comme évoqué un peu avant, au début de mon parcours universitaire, on m'a proposé ce stage en Guyane pour donner un éclairage qualitatif à une étude épidémiologique. Il s'agissait d'essayer de comprendre les facteurs entraînant des diagnostics tardifs du VIH à la frontière de la Guyane et du Brésil. J'étais encadrée aussi par une médecin de santé publique. Moi, je n'ai pas de lien avec la Guyane, mais je connaissais un petit peu ce territoire car j'avais l'occasion de visiter ma sœur qui a travaillé comme infirmière au SAMU social. Et du coup, pour moi, travailler sur un sujet connu comme le VIH, dans un espace moins connu, mais quand même un petit peu, m'a beaucoup enthousiasmée. J'avais besoin de dépaysement. Et la Guyane... Donc il faut savoir que la Guyane est la région française la plus touchée par le VIH. Cette région fait face à des difficultés structurelles qui compliquent l'accès aux soins. Et malgré une épidémie découverte dès 84, avec une prévalence, une incidence importante, lors de mon master, j'ai été confrontée à un manque de bibliographie récente en sciences humaines et sociales sur le sujet. Aucun travail de fond n'avait été mené sur l'histoire sociale du VIH en Guyane depuis le début des années 2000. Les derniers travaux dataient du début des années 2000. J'ai donc démarré mon doctorat en octobre 2022 et réalisé depuis deux terrains de 5 mois chacun dans 4 communes de Guyane, Saint-Georges, Cayenne, Saint-Laurent-du-Maroni et Maripasoula. Du coup, un des axes centraux de ma recherche est de retracer une histoire des enjeux de la lutte contre le sida en Guyane. Dans cette colonie départementalisée, la médecine est directement héritée d'une médecine coloniale, marquée par une médecine militaire, et cette médecine coloniale est devenue tropicale. J'étais curieuse d'étudier comment cette épidémie récente est prise en charge et par quel type d'acteurs et actrices. Au début des années 80, la Guyane compte 80 000 habitants environ, chiffre qui double tous les 20 ans depuis. Donc il y a 140 000 personnes recensées en 2000 et environ 300 000 aujourd'hui. Sur la période qui court entre 84 et 2000, les informations que j'ai trouvées concernent des personnages majoritairement issus du monde médical, hein, même si ces personnes démarrent des associations, créent des associations. Donc il y a l'histoire de ce professeur en dermatologie qui, le premier, va créer une consultation pour les patients atteints de sida, à la pédopsychiatre qui créera une antenne de haine en 1988, entourée d'un réseau d'amis à elle, occupant plutôt des fonctions notables. À l'époque, Aide travaille en lien avec une association culturelle haïtienne, dont le président de l'époque est décédé depuis, et pour laquelle je n'ai pas trouvé de contact de personnes qui en ont fait partie. Voilà. Travailler sur une histoire par le bas, ça veut dire aussi trouver des manques. Et en fait, les associations qui laissent le moins d'archives, avec les plus précaires, sont celles qui laissent le moins de traces. Les sources disponibles pour cette période, archives et entretiens, restent centrées sur des personnages avec des fonctions de direction et sur Cayenne. Moi, je considère comme la capitale de la Guyane, d'où partent à cette époque-là les personnes partent en mission. Les acteurs de la lutte contre le sida vont dans les autres territoires. Il y a des associations à Saint-Laurent-du-Maroni, mais dont l'objet n'est pas la lutte contre le sida, qui sont des relais. Mais souvent, tout part de Cayenne dans ces années-là. Moi, j'ai rencontré ensuite plus facilement des acteurs et actrices de cette lutte qui se sont investis dans les années 2000, plus nombreuses et avec des profils variés. Les années 2000 marquent un élargissement des actions associatives de lutte contre le sida à Cayenne notamment. De nouvelles associations dont l'objet central n'est pas la lutte contre le sida, comme des associations culturelles de populations immigrées, des associations de quartier ou qui luttent contre les violences faites aux femmes, s'emparent de la cause sida. Ces associations rencontrent des publics touchés par la maladie et la lutte contre le VIH est ainsi une opportunité de financement. Pour retracer l'histoire des années 2000, j'ai réalisé plusieurs entretiens avec des personnes intéressées par me répondre, qui, bien qu'elles aient conscience de l'importance de conserver cette mémoire, n'ont pas ni le temps ni les moyens de mettre un travail historiographique en œuvre. J'ai demandé à consulter les archives personnelles, mais la plupart n'ont pas gardé d'archives, les ont perdues lors de déménagements d'associations ou ont laissé des souvenirs parfois douloureux. La plupart des acteurs et actrices des années 2000 sont encore actifs localement, impliqués dans des comités nationaux de fondations ou d'organisations. Les profils des personnes avec qui j'ai pu m'entretenir sont variés, animateurs de prévention, personnes qui vivent avec le VIH, des personnes qui ont connu des galères liées à la nationalité, etc. J'ai pu élargir le périmètre de ma recherche à Saint-Laurent-du-Maroni, où l'association AIDE s'est implantée à la fin des années 2000 en ethnographiant cette antenne d'une association nationale qui se réimplante. Donc le Suriname est une ancienne colonie esclavagiste hollandaise qui est indépendante depuis 1975. Et la Guyane ne peut pas s'appréhender comme un espace homogène. Et souvent des chercheurs venus d'ailleurs, dont je fais partie, peuvent tirer des conclusions générales après avoir étudié un seul espace. De fait, les populations, les langues, les rapports aux soins et les possibilités d'accès aux soins sont diverses s'il existe une route, par exemple. Pour aller à Maripasoula, on ne peut y aller qu'en avion ou en pirogue. Dans le cadre de ma recherche de master, mon entrée sur ce terrain guyanais s'est faite à Saint-Georges, petit bourg de 5000 habitants à la frontière avec le Brésil. J'ai rencontré cette histoire au présent, dans son actualité, à travers des personnes ayant monté des associations, d'autres vivant la maladie, ayant connu des stades sida avec des séquelles. Et les associations de lutte contre le sida se sont montées à Saint-Georges au mi-temps des années 2010. Également à Maripasoula, donc en face, frontalière avec le Suriname. Donc Maripasoula est une commune récente qui est peuplée par principalement des populations autochtones et bushinengue, respectivement Wayana et Aluku. Et cette commune seulement accessible en pirogue ou en avion, comme je vous le disais. Mais du coup, à travers ces espaces, l'histoire de la lutte contre le sida est une histoire récente et au présent en train de se faire. Et j'ai eu la chance de pouvoir ethnographier les équipes associatives dans leurs actions de prévention et d'accompagnement de personnes séropositives. L'histoire que je suis en train d'écrire prend donc en compte, au-delà de découpages temporels, de périodes, des espaces différents, dont certains périphérisés, des profils variés de personnes impliquées. Au-delà des discours portés sur soi lors d'entretiens, j'ai réalisé un travail ethnographique qui me permet d'entrevoir le rapport au quotidien de la lutte de personnes moins à l'aise avec la langue française. En plus de décrire une histoire de la lutte contre le sida en Guyane, la problématique principale de ma thèse est de comprendre comment les groupes sociaux présents en Guyane interagissent dans le champ de la lutte contre le sida. Dans cet espace issu de la colonisation, les références ethno-raciales et d'origine sont prégnantes, et aussi dans le soin. Et j'essaye de comprendre comment celles-ci sont produites, reproduites ou subverties dans l'espace social sida, qui traite de santé et de sexualité. Il s'agit d'observer des dynamiques de pouvoir, des durabilités coloniales et leur actualisation. Dans ce cadre, j'observe principalement les personnes de mon groupe, qui occupent une position dominante, les Français de l'Hexagone dit métro. Et je questionne les initiatives de médiation communautaire Ces médiations communautaires sont souvent des personnes étrangères qui occupent ce type de poste. Je vais conclure rapidement. Ces journées à Saint-Étienne ont pour un bel objectif de continuer d'étudier cette histoire du temps présent de la lutte contre le sida. Et cela fait grand sens pour moi d'y participer. Même si je ne travaille pas sur l'histoire de Saint-Étienne, je vais également là où on est peu allé, dans des territoires périphériques et ou donnant la voix à des groupes de personnes qui ont été minorisées. J'essaye de m'écarter de récits dominants ou du moins les entrelacer avec d'autres types de mémoires. J'essaye également de remettre le sida dans un contexte plus large, celui du champ associatif des politiques néolibérales en France hexagonale, et de montrer les biais de traitement d'une épidémie dans un territoire postcolonial comme la Guyane. Écrire la lutte contre le sida impose de se situer, des formes d'engagement, et de réfléchir aux enjeux du pouvoir. Loin des années de cendres et des capitales, il reste beaucoup à écrire sur cette épidémie, à partir de Saint-Étienne, à Saint-Étienne et ailleurs.